Rendez-vous, c'est fini. Le bâtiment est encerclé, vous allez sortir un par un, les mains en l'air. Sinon, dans 15 secondes, mes hommes viendront vous chercher, c'est à vous de voir. Salut mon cœur, tu vas bien, j'espère. Écoute, je suis désolé de te mêler à tout ça. Tu sais, tout ce que je voulais, c'était un quart d'heure de gloire pour nous, tu vois. Je voulais nous offrir un peu plus de bonheur, mais là, c'est fini. Là, il y a la gendarmerie dehors et puis, tu vois, nous, on va pas se laisser faire. Écoute, je connais le quartier, ils vont dire plein de trucs sur moi et voilà quoi. Mais tu vois, t'as pas à répondre. Tout ce que t'as à dire, c'est que j'avais pas le choix. À ton clou, je voulais mettre 20 carats. Faire du jet ski à Assini, mafia. À moto, on irait dîner sur le toit d'Abidjan. Mais tu vois, je travaille pas, alors je n'avais pas le choix. Qu'on ne se voit toujours qu'au quartier, j'en ai marre. Que ta mère me traite d'incapable, ça fait mal. Je voulais que tu ailles à l'école en RAV 4. Mais tu vois, je travaille pas, alors je n'avais pas le choix. Je nous voulais dans une villa à la Riviera. Il logeait la MIFA, je voulais pas en arriver là. Une maîtrise dans les bras, je travaille toujours pas, alors j'ai tenté ce braquage. Avec les trois gars, c'est pas mon genre, je regrette app. Mais tu sais, c'est hard. Le champ des calages, j'en suis à ma dernière balle. Surtout ne pleure pas, si ce soir je pars. Si les gens t'en parlent, dis juste que j'avais pas le choix. Je pense qu'il faut y aller quand il faut. C'est dur de vivre quand l'argent te fait défaut. Je compte braquer du cash car c'est ce qu'il faut. Si je me fais pécho, j'avais pas le choix. Je pense qu'il faut y aller quand il faut. C'est dur de vivre quand l'argent te fait défaut. Je compte braquer du cash car c'est ce qu'il faut. Si je me fais pécho, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. La banque atlantique cache des billets. Sans carte magnétique, je pouvais juste que piller. Mardi c'est tranquille, ils bourrent les guichets. 8h c'est facile, pour s'y infiltrer. Je connais la sécu, je livre à bouffer. Ils m'ont donc assez vu. Je fonce cagoulé, j'ai des canonciers. Des types prêts à risquer. Le plan que j'ai dicté, on va l'appliquer. 8h pile du taxi, on sort les pieds. Kalachnikov chargé, prêt à piller. Les vigiles à l'entrée, on les a liés. La porte blindée, on l'a bousillé. Des CFA par milliers, j'ai envie de crier, pour ce jour j'ai prié. Il est arrivé, y'a de la thune à pécho. Ranger les P à la sirène à siffler. Je sors ta photo. Je pense qu'il faut y aller quand il faut. C'est dur de vivre quand l'argent te fait défaut. Je compte braquer du cash car c'est ce qu'il faut. Si je me fais pécho, j'avais pas le choix. Je pense qu'il faut y aller quand il faut. C'est dur de vivre quand l'argent te fait défaut. Je compte braquer du cash car c'est ce qu'il faut. Si je me fais pécho, j'avais pas le choix. Mais quand c'est fini, bébé, y'a des gendarmes partout. On cherche à s'enfuir, mais on ne sait vraiment plus par où. Non, la vie n'est pas cool, tout cet argent est à nous. J'ai pas remis à demain, mais le malheur est sur mon parcours. Là, je me rends compte que j'ai laissé ta main au jaloux. Là, je me rends compte que les voyous pleurent sous la cagoule. Là, je repense à nous, à nos moments d'amour. Quand on a fait l'amour après les trois buts de Calou. Des lacrymogènes partout, et je joue mon fatou. Dis-leur que j'ai tenu comme le ferait le roi des toits rouges. Maman sera pas tabou. Fais confiance au carrefour, mais si ces gens me disent, bébé, mets le discours à jour. Là c'est vraiment fini, j'en suis à ma dernière cartouche. Et on est plus que deux, moi j'ai plein de sang dans la bouche. Ta photo dans ma main gauche, ma calage dans la main droite. Si quelqu'un t'en reparle, explique-lui que j'avais pas le choix. Je pense qu'il faut y aller quand il faut. C'est dur de vivre quand l'argent te fait défaut. Je compte braquer du cash car c'est ce qu'il faut. Si je me fais pécho, j'avais pas le choix. Je pense qu'il faut y aller quand il faut. Dur de vivre quand l'argent te fait défaut. Je compte braquer du cash car c'est ce qu'il faut. Si je me fais pécho, j'avais pas le choix. Je pense qu'il faut y aller quand il faut. Dur de vivre quand l'argent te fait défaut. Je compte braquer du cash car c'est ce qu'il faut. Si je me fais pécho, j'avais pas le choix. Je pense qu'il faut y aller quand il faut. Dur de vivre quand l'argent te fait défaut. Je compte braquer du cash car c'est ce qu'il faut. Si je me fais pécho, j'avais pas le choix. Le manque de fric nous contraint à un choix. Rouler à vive allure sur la mauvaise voie. J'écoute la mauvaise voix, car j'ai pas d'autre choix. Face au problème, on veut toujours faire le poids. Mais le manque de fric te contraint à un choix. Rouler à vive allure sur la mauvaise voie. J'écoute la mauvaise voix, car j'ai pas d'autre choix.